16-25, observation. Profitez des circonstances. Il fait beau. Tante Georgette profite du beau temps pour promener Fido. Tante Georgette en profite pour promener Fido. Notez que profiter est suivi de ou précédé de